Salut les 60, bienvenue sur Radio Gamozo. Les soviétiques envoient Laïka, une petite chienne, dans l'espace. Le traité de Rome avalise la naissance du marché commun. L'Algérie vit à l'heure de la torture. Et Magali Noël, sur un texte de Boris Vian, compte l'amour masochiste avec Fémomal Johnny Johnny. Nous sommes en 1957 et Paul Anka immortalise Diana. Oh, les 60, des souvenirs plein la tête sur Radio Guémozo. Et petit prince, comment ça va? Comme ci, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. Eh bien voilà, ce soir chez moi, ça va chauffer. Ça va chauffer. Oui, à l'école, je suis la bonne dernière. Dis-moi, tout ça n'est pas marrant? Pas tellement. Est-ce que c'est mieux quand on est grand? Moi, ça dépend. De toute façon, j'ai un secret. Qu'est-ce que c'est? Quand ça va pas, eh bien, il faut chanter. Chante avec moi. Tu verras, oui, tout ça, ça s'arrangera. Chante avec moi, chalala. Quand on est deux, ça va beaucoup mieux. Chante avec moi, mais oui, comme ça, les ennuis du repas. Chante avec moi, et tu verras. J'ai compris, maintenant c'est à moi. Et pour toi, Franck, comment ça va? Eh bien voilà, la vie que j'aime même pas. Oh là là, mais alors qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas et ça me désespère. À quoi ça sert d'être plus vieux? D'être plus vieux? Si à ton âge on n'est pas heureux. Qu'est-ce que tu veux? Je sais bien ce que je ferai. Qu'est-ce que tu ferais? Écoute-moi, ce n'est pas compliqué. Chante avec moi et tu verras, oui tout ça. Calamo et le Petit Prince chantent avec moi, chantez avec nous. C'est ce que vous pourriez bien évidemment faire si vous décidez de rester en notre compagnie cet après-midi. Au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs, disons la version française contre la version étrangère. Le hit parade de mars 1961 à l'aide de quelques disques classés dans son hit parade, et notre coin du spécialiste sera consacré aujourd'hui à Rocky Volcano. Excellente après-midi sur Radio Guémozo, en tout cas merci de votre fidélité. Après la crise de Suez, la France découvre les restrictions d'essence. Brigitte Bardot rutile dans La mariée est trop belle. Et les recherches contre le cancer s'intensifient. La bombe au cobalt se miniaturise. Gros Filex se faufile en silence dans notre vie quotidienne. Gros Filex. en matière plastique. Donc plus de bruit, plus de cadre. Jackson Pollock, le peintre américain, disparaît et Jasper Jones peint le drapeau américain. Le pop art est né. Doris Day chante Que sera sera et l'Andrea Doria coule. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault s'éclatent à Joinville-le-Pont. Tony Sailor, le skieur autrichien, est médaillé d'or en dessin, géant et slalom aux Jeux Olympiques de Cortina d'Ampezzo en Italie. John Wayne libère la prisonnière du désert. Et les films de science-fiction font un malheur. Surtout Godzilla. Chantal Kelly, Caribou, une histoire de chef indien, une histoire simple et bon enfant, qui n'empêchera pas Chantal Kelly en cette année 1966 de faire de la publicité du mini-cassette lancé par Philips. Ceci étant dit, retour aux sources avec le Biba Blula de John Vincent. Rock mon bon sur Radio Gémozo. Well, Biba Blula, she's my baby. Biba Blula, I don't mean my baby. Biba Blula, she's my baby. Biba Blula, I don't mean my baby. Biba Blue, she, my baby, my baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Biba Blue, she's my baby. Biba Blula, I don't mean my baby. Biba Blula, she, my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells and more. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't wait, maybe. Bebop-a-lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't wait, my baby. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't wait, my baby. Oh yeah! 1966, les jolies colonies de vacances de Pierre Perret provoquent un immense éclat de rire. Et Hugo Frey nous présente, Céline, 3 minutes d'émotion sur Radio Gémozo. Dis-moi, Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Dis-moi, Céline, toi qui es notre aînée, toi qui fus notre mère, toi qui l'as remplacée, n'as-tu vécu pour nous autrefois que sans jamais penser à toi? Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Dis-moi, Céline, qu'est-il donc devenu ce gentil fiancé qu'on n'a jamais revu? Est-ce pour ne pas nous abandonner que tu l'as laissé s'en aller? Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Mais non, Céline, ta vie n'est pas perdue. Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. Il y a longtemps que je le savais. Toujours près de toi. Nous resterons toujours près de toi. Bon, vous savez que sur Radio Gémozo, nous, on évite toute publicité. Pourtant, j'ai une petite annonce à passer. Je suis blonde, j'ai les yeux noirs, je mesure 1m61, je ne suis pas grosse. Je suis célibataire et je ne suis pas fiancée. C'est ainsi que se définissait Sophie dans l'émission Dans le vent sur Europe numéro 1. C'était L'âge heureux et c'était sur Radio Gémozo. Thank you. heureux. C'est le temps des amis. Tout est bleu, tout est permis. Ce temps, c'est celui des découvertes et du bonheur. Le temps où par les fenêtres ouvertes on jette son cœur. L'âge heureux, c'est l'âge de la joie. C'est sérieux, plus qu'on ne croit. Aspro, maintenant Microfind, pour une action double. Aspro soulage en quelques minutes. Aspro agit pendant des heures. Voyez comme Aspro Microfind se dissout microscopiquement. D'où soulagement plus rapide et pour des heures. Maux de tête, rhume, grippe, deux Aspro et la pleine forme est là. Pour chasser de ma vie mes ennuis. Toi seul tu peux chasser mes ennuis. Tu n'as pas écrit un mot de toi suffit pour que soudain s'emballe mes ennuis. Plus mes jours sont longs, ils n'ont pas de raison. Changera, viens, je t'en supplie, tout près de moi, chérie. Toi seul, tu peux chasser mes ennuis. Si demain j'entends ta voix, tout changera, changera. Viens, je t'en supplie, tout près de moi, chérie. Toi seul, tu peux chasser. Mes ennuis, reprise assez réussie du Misery des Beatles. Mais comme rien ne vaut l'original, voici sur Radio Gamozo le Misery des Beatles. The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. Treating me bad, misery. I've lost her now for sure. I won't see her no more. It's gonna be a drag, misery. I'll remember all the little things we've done. She'll always be the only one, only one. Send her back to me, 'cause everyone can see. Without her I will be in misery. avez fait votre choix entre la version originale et l'adaptation française, c'est parfait. Gagarine est autour de la Terre, le mur de Berlin s'édifie, Hugo Frey anime les feux de camp avec Santiano, Charles Aznavour se voyait déjà en haut de l'affiche. Nous sommes en mars 1961 et le 25, Elvis Presley donne son second concert de charité à Perlbourg avant de commencer le tournage de son film Blue Hawaii. Dans le même temps, Surrender rentrera donc à la 31e place du parade, une 31e place que nous retrouvons juste après ceci. Was a smash. Charles Aznavour se voyait en haut de l'affiche en mars 1961. Et bien le 25, Elvis Presley donne son second concert de charité à Perlbourg avant de commencer le tournage du film Blue Hawaii. Dans le même temps, Surrender rentre à la 31e place du hit parade de l'époque. Et le numéro 1 de ce hit parade de l'époque, et bien ce n'est pas Monsieur Charles Aznavour, c'est le groupe anglais Les Shadows avec leur titre Apache. Mais ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender all your love. so warm and tender. Let me hold you in my arms, dear, while the moon shines bright above. All the stars will tell the story. Twist, Chubby Shaker triomphe avec Pony Time, un titre signé Don Conway, Chuck Berry, et se classe à la 20e place du hit parade de mars 1961. It's Pony Time, get up! Toujours en ce mois de mars 1961, Johnny Hallyday gagne ses galons de vedette grâce au premier festival de rock'n'roll dont il est la vedette. On peut également le voir au cinéma dans Dossier 1413, tandis que Mon 7e ciel se classe à la 14e place du hit parade. Septième ciel, chérie, oh oui, c'est toi. Tu sèmes du paradis sur ma vie, sur mes pas, et je n'aime que toi. Mon septième ciel, c'est tes yeux dans lesquels je vois le monde en bleu. Mon septième ciel, je te le dois. Depuis bien longtemps déjà, mon septième ciel, chérie, c'est toi, oui, rien que toi, mon ami. Septième, septième, septième.

pas que tu peux, oh Daniel, jouer avec l'âme sans risquer de te brûler un jour. Oh Daniel, tu prends des yeux innocents. Chaque nuit tu attends en rêvant une image adorée qui viendra rêver en posant sur tes lèvres un baiser. Oh oh oh oh oh oh, Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh Daniela, pourtant ne crois pas que tu peux. Oh Daniela, jouer avec l'amour sans risquer de te brûler un jour. Oh Daniela, bientôt tu découvriras. Oh Daniela, celui qui sera partagé. À ce que nous parlions tout à l'heure, en début de Hit Parade, eh bien c'est en juillet 1960 que les Shadows s'enregistrent à Apache. D'entrée, le morceau instrumental se classe à la 19e place des charts anglais. Mais c'est en mars 1961 que les Shadows décrocheront la première place dans les Hit Parades français. Et provoqueront une véritable révolution musicale chez les jeunes. votre radio. Soleil branché avec Gérard, Rock and Quiz, le temps des yéyés. L'amour est dans ton cœur, c'est la loi. La sourde s'offre un temps, chantera. Tu peux être blanc ou indien. L'amour a tracé ton destin. Si tu crois en Dieu, écoutez bien cette chanson d'Yahuata. C'était un indien au regard bleu, au cœur naïf, au simple joie. Il a couru les monts et les vallées pour retrouver son amour, pour retrouver les beaux yeux de l'amour. Et à chaque pas, il entendait l'écho d'un rire de soleil. Toi la foi, tous les oiseaux lui répétaient comme un conseil. Plus rien, souviens-toi bien ce que dit un proverbe indien. La source au printemps chante sa joie, l'amour dont ton cœur fait la loi. L'amour dont ton cœur fait la loi. L'amour dont ton cœur fait la loi. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, ça vaut le coup d'être entendu, c'est au moins de découvrir ce titre de Orlando, le frère de Dalida qui interprète L'amour fait la loi, l'une des deux seules versions chantées du Apache des Shadows. Donc vous avez entendu un peu auparavant Apache par les Shadows, vous venez d'entendre L'amour fait la loi par Orlando. Je vous laisse libre juge, mais je pense que vous avez tous le même avis que moi. En 62, les Tokens nous proposent The Lion Sleep Tonight, un titre qu'Henri Salvador va bien sûr transformer en un tube quelques mois plus tard. Oh, 1965, Tino Rossi entame une longue tournée sous chapiteau. Claude François commence également sa tournée d'été et sa maison de disques en profite pour sortir un nouveau 45 tours sur lequel figure Silhouette, un standard des Diamonds que viennent de reprendre les Anglais de Herman Hermit. Je passais par chez toi, hier soir, dans la lumière de ta chambre, j'ai cru voir dessiner sur les rideaux de silhouettes enlacées. Je m'arrêtais, la gorge serrée. Il semblait plus grand que moi, près de toi, d'où j'étais, je n'entendais pas vos voix. Elles semblaient tellement s'aimer, ces silhouettes enlacées, quel joli couple, toutes vous formiez. Tu te blottis dans ses bras, tendrement, alors lui il t'embrassa. Si longtemps, elle semblait tellement heureuse, ces silhouettes enlacées, moi j'étais seul et désespéré. Enlacées, je m'étais donc trompé d'étage. Comme un fou j'ai couru te trouver, et de joie tout contre moi desserré, nous étions à notre tour de silhouettes enlacées par notre amour, de silhouettes enlacées et pour toujours, de silhouettes enlacées. Les missiles, je sais que tu triches, par contre sur Radio Gémozo, je peux vous l'affirmer, on ne vous propose que des originaux. Je sais très bien que tu triches, quand tu me dis que tu n'aimes que moi. Je sais très bien que tu triches, quand tu dis que tu penses qu'à moi. Quand tu me regardes, je vois bien dans tes yeux que tu ne dis pas la vérité. Dans le fond de ton cœur, moi je vois tout, je vois tout ce que tu voudrais me cacher. Je sais très bien que tu triches quand tu dis que tu m'aimeras toute la vie. Je sais très bien que tu mens, oui je le sais bien, mais tant pis. Je devrais te tuer. Je devrais tendre ton joli cou. Mais après tout, si je ratais mon coup, tout serait fini entre nous. Moi j'aime mieux rester auprès de toi, et je fais celui qui te croit. Toute ta vie, je sais très bien que tu mens. Oui, je le sais bien, mais tant pis. Je devrais te tuer. Je devrais tendre ton joli cou. Mais après tout, si je ratais mon coup, tout serait fini entre nous. Moi, j'aime mieux rester auprès de toi. Je fais celui qui te croit. Je fais celui qui te croit. Je fais celui qui te croit. Vous pouvez nous écrire à Radio Gémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont. ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Mon cœur sans ton amour, c'est ma vie privée de joie, c'est mon corps privé de toi, mon amour. Un jour sans tes caresses, c'est un ciel plein de tristesse. Une nuit sans notre ivresse, mon amour. Mais dès que tu es là près de moi, toute mon âme trouve enfin la raison de sa place. Je crois un lien pour notre amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Mon cœur sans ton amour. C'était l'ex-chanteur des Vautours, c'était Vic Lawrence. Adaptation ou version originale sur Radio Gémozo, la musique s'écoute en deux versions. Bruit de batte, l'homme est arrivé. Bruit de batte, regardez sans rien dire. Un homme en noir qui le cherchait, il n'a rien dit, il s'est levé. Bruit de batte, un regard de défi, tête haute, il a pris son fusil sans rien dire. Cet homme en noir, il l'a suivi, et dans la rue, ils sont partis. Tous les regards sont sur eux, ils vont se battre, oh mon Dieu, l'un ou l'autre, il laissera sa vie. Oh mon Dieu, ayez pitié de lui, car je l'aime, je vous en prie. Oh qu'il me revienne, je vous supplie. Sur la place, ils sont prêts à tirer. Face à face, que va-t-il arriver, quoi qu'on fasse? Les jeux sont faits. Je sais, cet homme en noir va le tuer. Tous les regards sur eux sont braqués, et mon cœur bat se briser. Je prie pour lui. Oh.

back I hear. Speedy Gonzales, why don't you come home? Oh, Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Pat Boone et l'enfant terrible de l'année 62, le petit Speedy Gonzales. Avant de mettre des sucettes à la nid dans la gorge de France Gall, eh bien Serge Gainsbourg avait écrit pour la pétulante Petula Clark, vilaine fille, mauvais garçon. Dans cette vallée de l'âme qui est la vie, viens avec moi par les sentiers interdits. À cela qui nous appelle à tort ou à raison, vilaine fille, mauvais garçon. À cela qui nous appelle à tort ou à raison, vilaine fille, mauvais garçon. Au fond de cette vallée coule un torrent, il est l'image même de nos 20 ans. C'est à lui que nous devons ses terres et ses façons. Les enfants du siècle sont tous un peu fous, mais le cliquetis de la machine à sous couvrira cette voix qui dit à tort à raison, vilaine fille, mauvais garçon. Couvrira cette voix qui dit à tort à raison, vilaine fille, mauvais garçon. Sont cinq ébahis par la soudaineté du succès qui, en l'espace de quelques semaines, les a transformés de petits groupes de garage en vedettes internationales. En effet, en avril 1965, toutes les radios périphériques vibrent aux sonorités de Monsieur Tambourine Man, premier single d'un tout nouveau groupe bientôt propulsé au sommet des charts. L'Europe et le reste de la planète seront bientôt contaminés par les Birds de Jim Mankin. Et c'est aussi la version électrique de la version acoustique de Bob Dylan. Voilà. Donc les Birds, version électrique de Monsieur Tambourine Man. And my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my get you dancing, spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy yet, there ain't no place I'm going to. Eh bien, bienvenue sur Radio Gémozo. Dans quelques minutes, Rocky Volcano sera l'invité de notre rubrique Le Coin du Spécialiste. Mais juste avant, nous aurons Wanda Jackson, What in the World Come Over You. Excellent après-midi, merci de nous accompagner. What in the world's come over you? Seems we never get along. Every night I reminisce, dreaming of your tender kisses. What in the world's come over you? Could you ever change your mind? If you do, I'll still be here, dear, waiting, longing for you. All my life I've loved you so, never dreamed I'd miss you so. Now alone in my room each night, my heart it cries. It's just not right. Oh, what in the world's come over you? Could you ever change your mind? If you do, I'll still be here, dear, waiting, longing for you. My heart, it cries, it's just not right. Oh, what in the world's come over you? You're still my angel from above. Guess you'll always be my one and only, only. Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. Bienvenue dans le coin du spécialiste. C'est au début de 1961 que Philips engage Rocky Volcano. Le succès de Johnny Hallyday encore chez Vogue ou des chaussettes noires chez Barclay pousse le Jacques Play, directeur de production, à chercher un équivalent, à établir un concurrent sérieux. Ça sera Rocky Volcano. Rocky, qui est né en 1940 à Marseille, est déjà un pro. Rodé par de nombreux galas dans le sud de la France, tout comme son orchestre, les Rock and Rollers. Philips fabrique alors de toutes pièces une biographie pour Rocky Volcano, comme Vogue l'avait fait pour Johnny Hallyday. D'abord, on le rajeunit, 21 ans, c'est trop vieux. On écrit qu'il en a 19. Marseillais, ça manque un peu d'exotisme, vu son physique et son accent. Il serait difficile de le faire passer pour un Américain. Alors, on le dit, le fruit de l'union d'un père sicilien et d'une mère américaine. C'est le 20 mars 1961 que sort le premier Super 45 Tours de Rocky Volcano, avec pour titre principal « Comme un volcan ». Premier rocker opposé à Johnny Hallyday, Rocky Volcano ouvre le deuxième festival rock au Palais des Sports de Paris. Cela ne va pas trop mal pour Rocky Volcano jusqu'au jour où Johnny Hallyday signe chez Philips, qui décide alors de se séparer de ce poulain qui leur apportait plus de problèmes que de sous. Dans un premier temps, il se rendra en Italie, puis terminera sa carrière en Espagne. Rocky Volcano se consacre depuis plusieurs années à la peinture. Il vit et habite à Neuilly-sur-Seine avec sa mère et son épouse. Personnage mystérieux, Rocky Volcano a marqué de son empreinte l'épopée du rock and twist en France. Depuis ce matin, à mon réveil, je suis comme un volcan. Ivre de printemps et de soleil, je suis comme un volcan. De tous mes 20 ans, je prends la vie, j'y mords à pleines dents. Chez moi, je t'attends, viens ma chérie, je suis comme un volcan. Mon cœur éclate de joie, explose de joie. Éclate de joie, explose de joie. Je suis comme un volcan, je suis comme un volcan. En fait, te voilà, la devant moi, je suis comme un volcan. Tu viens te blottir entre mes bras, je suis comme un volcan. Ta lèvre a un goût de miel, et je t'embrasse tant que soudain pour moi s'ouvre le ciel. Je suis comme un volcan, mon cœur éclate de joie, explose de joie, éclate de joie, explose de joie. Je suis comme un volcan, je suis comme un volcan. Tes doigts, courir mon dos, je suis comme un volcan. J'ai mis le frisson à fleur de peau, je suis comme un volcan. Je t'embrasse encore et je te serre de tout le présent. Je sens tout à coup trembler la terre, je suis comme un volcan. Mon cœur éclate de joie, explose de joie, éclate de joie, explose de joie. Je suis comme un volcan, je suis comme un volcan. Moi ça m'étonne, elle est sûrement chez vous. Hey Bonnie, hey Bonnie, oh, oh baby, oh, oh baby, où es-tu, oh, oh baby. Mais c'est vrai que ma fête, c'est aujourd'hui, et avec des cigarettes. Chérie, te voici. Hey, Bonnie. Hey, Bonnie. je t'adore. Embrasse-moi, oh, embrasse-moi encore. Je n'aime que toi. Hey Pony, hey Pony. Avec Gérard, c'est vraiment bon. Toi, toi, toi, toujours toi, toi, toi, rien que toi, toi, toi. Toujours toi. Aïe, aïe, aïe, toi, toi, toi, toujours toi, toi, toi, rien que toi, toi, toi, toujours toi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, toi, toi, toi, toujours toi, toi, toi, rien que toi, toi, toi, toujours toi. Oh, toi, tu le sais bien, je n'aime que toi. Toi, tu le sais bien, quand tu n'es pas là, je n'ai plus le soleil, je n'ai plus le ciel bleu. J'en fais le sommeil. Je suis très malheureux. Oh oh, oh toi, toi, toi, toujours toi, toi, toi, rien que toi, toi, toi, toujours toi. Toi, toi, toi, toujours toi, toi, toi, rien que toi, toi, toi, toujours toi. Oh, toi, tu dis très bien que j'ai tous les torts. Il suffit d'un rien, c'est pourquoi j'implore. Plus qu'avant, tu m'aimais, et malgré tout, tu me parlais sans me dire aussitôt. Oh, oh, oh, moi, moi, moi, toujours moi, moi, rien que moi, moi, moi, toujours moi, yé, yé, yé, yé, yé, yé, yé, moi, moi, moi, toujours moi, moi, moi, rien que moi, moi, moi, toujours moi. Oh, toi, tu sais très bien me rendre jaloux. Il suffit de rien pour me rendre fou. Je te crie mon amour du matin jusqu'au soir. Je te crie mon amour, tu ne peux plus me croire. Oh, toi, toi, toi, toujours toi, toi, toi, rien que toi, toi, toi, toujours toi. Yé, yé, yé, yé, yé, yé, yé, toi, toi, toi, toujours toi, toi, toi, rien que toi, toi, toi, toujours toi. Yé, yé, yé, yé, yé, yé, yé, toi, toi, toi, toujours toi, toi, toi, rien que toi, toi, toi, toujours toi. Oh, toi, toi, toi, toujours toi, toi, toi, rien que toi, toi, toi, toujours. Bien me laisser faire pendant une journée entière. Je suis capable pour te plaire de te donner 24 000 baisers. Je prends des paris à la ronde sans perdre plus de 10 secondes. Je promets devant tout le monde de te donner 24 000 baisers. Je ne sais pas ce qui se passe. Vois-tu chérie, plus je t'embrasse, plus j'ai envie de t'embrasser. J'ai massé ça quand tu m'enlaces. Et comme je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place. Quand je te donne mes 4000 baisers. Hey, go! Ouais, go! Je fais entrer tous les 10 000. J'en suis au moins à 800 000. Mais je ne veux pas m'arrêter. J'aime assez ça quand tu m'enlaces. Et comme je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place. Quand je te donne 24 000 baisers. Et lorsqu'une fois centenaire, il nous faudra quitter la terre sans même faire une prière. Je suis bien certain que Saint-Pierre, en me voyant toujours sincère, me permettra de t'embrasser tout le temps de l'éternité. Tout le temps de l'éternité. Rock'n Twist sur Radio Gémozo. Les voix, le son qu'on n'oublie pas. Tous les jours

toutes ces filles que l'on a pu voir avec lui. Je veux qu'il revienne. Je suis prête à recommencer. Puisqu'on dit qu'il a des regrets, puisque c'est lui que j'aime, je veux qu'il revienne. Je veux qu'il revienne. Le tout, c'était en 1964. Sur Radio Gémozo, la légende s'écoute en deux versions. D'abord, la version française avec Franck Alamo, ma mère. Au cinéma, hier soir, quand tu m'as vu arriver accompagné d'une inconnue. Il me dit tiens, tiens, tiens, tiens, quel cachotier. T'avais l'air rudement intrigué. À vous le temps, tu t'es posé des questions. Ah c'est vrai qu'elle est jolie ma mère. Oui mon vieux, c'était comme elle fait jeune avec ses cheveux blonds. Non, tu ne peux pas savoir, c'est une femme formidable, intelligente et adorable. J'en fais ce que je veux, et quand on se balade tous les deux, on la prend pour ma petite amie. Tu n'aurais jamais pensé que j'étais, eh oui, avec ma mère. Oui, mon vieux, c'était ma mère. Je vais lui dire, ça va bien l'amuser. Quand je t'ai laissé tomber, c'était pour sortir avec ma mère. Mais voilà, mon vieux, ma mère. Pour moi, tu sais, ma mère, oui, c'est sacré. Pour moi, tu sais, ma mère, oui, c'est sacré. Pour moi, tu sais, ma mère, oui, c'est sacré. Tel Shannon, I Little Girl, après la version française, la version originale sur Radio Gémozo. And

me free, little girl. You know you can do it if you try. All you gotta do is set me free, free, free, set me free. Oh, set me free. Bien souvent les gens ont le tort de vous décourager en vous critiquant toujours avant de commencer. S'il fallait tous les écouter, mais on ne ferait jamais rien. Et j'ai envie de leur rappeler une phrase que j'aime bien. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. J'ai connu un brave paysan, travaillant nuit et jour, labourant obstinément sa terre avec amour. Mais un trésor il a trouvé, un jour par hasard dans son champ, et je comprends pourquoi il disait toujours à ses enfants. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. On m'a raconté une histoire, l'histoire d'un petit garçon qui faisait le désespoir de tous à la maison. Mais il avait une chose pour lui, c'est qu'il croyait en ses idées, et c'est pour ça qu'il a construit plus tard les grandes cités. Comme tout le monde, il m'arrive parfois, quand le cœur n'y est pas, d'être triste malgré moi, pourtant il ne faut pas. Et quand je suis loin de chez moi, dans ces moments-là, j'ai besoin de retrouver un peu de ma joie, alors je me souviens. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Johnny Hallyday à l'Olympia en 1962, c'était quelque chose de formidable. J'espère que vous, vous avez passé un après-midi formidable à l'écoute de la musique des années 60. On se retrouve, si vous le voulez bien, lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission. Et puis, pour les chanceux, vous serez gâtés. Dimanche, l'émission sera rediffusée entre 10h et 12h sur Radio Gémozo. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine sur Radio Gémozo. Oui. Plus fort. Well, yeah. You know you make me wanna shine. Throw my hands up and down, kick my ears back and down. Throw my eyes up and down, throw my head up and down. Come on now, come on now, come on now. You know you make me wanna shine. Throw my ears up and down, kick my ears back and down. Throw my arms up and down. Come on now. Don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Come on now. Come on now. Come on now. Come on now. Say that you want me. Say that you love me. Say that you need me. You never leave me. Come on now. I still remember when you used to be 9 years old.